L'influence de la sauce tartare, par Julien Bert de Turic. Vraiment, ma tante, elle est aussi bien que vous le dites. Une perle, mon cher Louis, une perle. Et vous savez qu'il n'est pas dans mes habitudes d'exagérer. D'ailleurs, il s'agit là de votre bonheur, et je ne vous embarquerai pas la légère dans une aventure incertaine. Mais rien ne presse, pourtant. Si, l'occasion n'a qu'un cheveu. Si vous tardez, d'autres viendront qui d'ailleurs ont déjà fait des démarches et pourraient plaire avant vous. Je n'en citerai qu'un, votre ami Georges Lafont, l'helléniste. Hein, Georges Lafont? Oui. Pas plus tard que la semaine dernière, il a fait demander la main de mademoiselle Eugénie Valmont. Or, je serais navré qu'il l'emportât. Encore un coup, cette jeune fille est l'idéal rêvé pour vous. Non point seulement jolie, mais véritablement belle. Un profil grec dans toute sa pureté. Et instruite avec cela. Brevet simple, brevet supérieur et licence, s'il vous plaît. Quel secours pour vous, mon ami. Un professeur, jugez donc. Avoir une femme qui vous aidera dans vos travaux, qui pourra vous rappeler, quand besoin sera, la date de la bataille de Bouvines et la formule exacte du gaz ammoniaque. Et 100 000 francs de dot avec cela, mon neveu. Excellent appoint à ses qualités mathématiques. Allons, je me laisse persuader, ma tante. Que faut-il faire ? Mettre votre chapeau et venir avec moi à la gare Saint-Lazare, où nous prendrons 2 billets avec retour pour Poissy. Nous arriverons à cette ville célèbre vers 4 heures, et de là, une voiture nous conduira aux Feuillettes, dans la ravissante villa qu'habitent vos futurs beaux-parents avec leurs 2 filles, Eugénie et Madeleine. Ah, Eugénie a une sœur. Oui, Madeleine, plus jeune qu'elle de 2 ans, une petite fille aux minois chiffonnés, mais assez insignifiante au demeurant. Allons, je vous suis, ma tante. Louis Mornant et sa tante s'étaient installés dans leur compartiment. Aussitôt, le train en route, la bonne dame reprit son thème. Vous comprenez? Quel avantage pour vous, savant comme vous êtes et destiné au plus haut avenir. L'Institut vous guette. Mais pour entrer là, les travaux distingués, les succès ne comptent que pour moitié. Ce sont les relations qui font le reste. Il vous faut un salon. Et Eugénie, avec l'instruction qu'elle a reçue, fera la conquête de tous les vieux savants que vous inviterez. Elle vous gagnera des bois dans toutes les sections, pouvant causer inscription et belles lettres avec l'un, science morale avec l'autre, mécanique avec celui-ci et botanique avec celui-là. Georges Lafont avait bien vu tout cela, lui, en demandant sa main. Quoi de plus flatteur pour un érudit dont les volumes sont rarement coupés que d'entendre une jeune et jolie femme lui parler de ses ouvrages? La reconnaissance qu'il lui en a, c'est au mari qu'il la témoigne forcément. « Allez, mon cher Louis, épousez la fiancée que je vous destine, et je ne vous donne pas 10 ans pour passer victorieusement la Seine au pont des Arts. » La tante allait toujours, développant son idée. Mais Louis ne l'écoutait déjà plus. Penché en arrière, durant que le train l'emportait, il songeait. Tout près du mariage, au moment de mener la vie nouvelle qu'on lui préparait, toute sa jeunesse lui passa par la mémoire. Comme dans ses revues ou tableaux rapides, où défilent devant les yeux des spectateurs tous les événements de l'année écoulée. Il revécut pour un instant sa vie de collégien et d'étudiant. Il revit sa chambre du quartier latin et ses promenades sentimentales du dimanche aux environs de Paris. Et surtout, ses dîners du mercredi et du samedi chez Le Serre, le traiteur de la rue Cujas, dîner joyeux, dont l'anguille sauce tartare formait la partie principale du menu. L'anguille sauce tartare, la gloire de la maman Le Serre. On accourait des 4 coins de Paris pour s'en régaler. Comme ils étaient gais, ces repas entre étudiants, on devisait follement, on échangeait les propos les plus extravagants du monde, on lançait des paradoxes à faire frémir le bourgeois. Et on accueillait par des hurrahs l'entrée de la mère Le Serre quand elle apportait ce fameux plat en vanté dont elle, seul au monde, avait la recette. Toute la jeunesse des écoles y avait passé tour à tour au restaurant Le Serre, et plus d'un académicien célèbre aujourd'hui devait se rappeler avec un voluptueux frémissement de narines ce mets exquis, si goûté par lui autrefois et dont sa ménagère ne pouvait sans doute lui offrir que de pâles reproductions. Et voici que le temps avait passé. Une autre génération était venue s'asseoir à ces mêmes tables. Louis frisait la 30aine maintenant. Il marchait vers l'inconnu. On lui parlait raison à présent. Avenir, mariage, fortune, notoriété, institut. Où allait-il? Les satisfactions d'amour-propre qu'on voulait lui ménager vaudraient-elles pour son bonheur, son insouciance d'autrefois? Et les dîners de corps et les banquets officiels remplaceraient-ils avec avantage ces gais repas du quartier latin avec l'anguille à la sauce tartare? Ah, vous voici donc. nous vous attendions avec impatience. » Les présentations furent vivement faites. Louis trouva Mademoiselle Eugénie fort belle, en effet, et infiniment instruite. La conversation passa par mille chemins différents, et la jeune fille, quel que fût le sujet effleuré, savait montrer qu'elle n'y était pas étrangère. Elle avait même lu quelques opuscules que le jeune homme avait publiés, et si arides qu'aient été les questions traitées, elle avait discuté certaines théories émises par lui avec justesse et précision. « Voici une jeune fille véritablement accomplie, » pensait Louis, « et ma tante a fait preuve de jugement en voulant me la faire épouser. » Il causa aussi avec la sœur cadette Madeleine. « Est-il possible, se disait-il, que ces deux jeunes personnes, étant si rapprochées de parenté, soient si éloignées de goût et de caractère ?» Non point belle, celle-ci, à peine jolie, agréablement chiffonnée. Elle n'est certes pas déplaisante, au contraire. Mais quel dommage que sa conversation ne s'élève pas au-dessus d'un certain niveau. Elle est gaie, spirituelle même, mais trop terre à terre. 7 heures venaient de sonner, et Louis, tout en trouvant un vif agrément dans la conversation de ces jeunes filles, commençait à sentir l'appétit qui lui venait. « J'ai faim et je ferai honneur au dîner, » fit-il en lui-même. À ce moment, la maîtresse de maison qui s'était absentée, pour donner quelques ordres, revint dans le salon où se trouvait la compagnie et fit part à ses invités de l'ennui où elle se trouvait. La cuisinière venait de se sentir malade subitement. Le dîner n'était pas prêt. Il ne savait quand on pourrait servir. « Oh, rien ne presse !» se hâta de répondre galamment le jeune homme, tout en s'efforçant d'étouffer un bâillement. « Si nous mangeons moins, nous causerons mieux, » fit Eugénie. « Et tenez, ce retard nous donnera le temps d'élucider une question sur laquelle nous n'étions pas d'accord tout à l'heure. Les origines du dernier mouvement socialiste de la République argentine. « Encore du sérieux ?» interrompit Madeleine. « Ce n'est pas le moment. Moi, je me sauve. J'ai mieux à faire que de vous écouter. J'ai faim. » Elle avait faim. Lui aussi avait faim. Et tout en discutant avec Eugénie, il pensait que la science avait du bon, sans doute. Mais qu'un dîner servi à l'heure avait son prix également. Et il avait des envies folles d'aller à la cuisine, rejoindre Madeleine, de l'aider, de mettre lui-même la main à la pâte, et au besoin d'éplucher des pommes de terre. Eugénie pérorait toujours. Louis, forcé de la suivre, admettait maintenant, sans songer à les contredire, toutes les opinions émises par la jeune fille. Sa tête devenait lourde, son estomac criait. « Madame est servie !» La porte s'était ouverte et Madeleine parut. « Comment déjà ?»« Parfaitement. C'est moi qui ai confectionné tout le dîner. Et joliment réussi, je vous assure. Vous pouvez m'en croire. J'ai goûté de tous les plats. » Puis s'approchant du jeune homme, « Offrez-moi le bras, monsieur, car je mange à table tout de même, bien que servante aujourd'hui. » Et comme Louis la contemplait d'un regard attendri, où se trouvait exprimée toute la reconnaissance de son estomac à jeun. « Allez, monsieur, » fit-elle, « la science a du bon, voyez-vous, mais ça ne suffit pas toujours aux heures des repas. » Après le potage déclaré exquis à l'unanimité, Madeleine se leva et revint quelques minutes après, portant avec mille précautions un grand plat qu'elle posa sur la table. « Ça, » fit-elle, « c'est ma réputation, je dirais mieux, c'est ma gloire. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Louis. « De l'anguille à la sauce tartare. » Louis ouvrait de grands yeux admiratifs. « Pas possible. Si, monsieur, goûtez, et dites-moi des nouvelles, » répondit Madeleine, qui savourait son triomphe. Louis goûta l'anguille. Il en redemanda même. Et tout en savourant doucement ce mets que n'eût point renié la mère Le Serre, il contemplait Madeleine assise en face de lui, rendue si jolie à présent par l'animation de son visage et la fierté de son triomphe de ménagère, que sa sœur semblait presque laide à côté. « Elle est délicieuse, » fit-il dans un élan d'enthousiasme. « N'est-ce pas, monsieur ?» fit naïvement la jeune fille qui ne pouvait deviner à qui s'adressait le compliment. « Eh bien, mon neveu, comment la trouvez-vous ? Délicieuse, ma tante. N'est-ce pas ? Une saveur, un piment. Hein, mais de quoi parlez-vous ? De la sauce tartare ? Voyons, soyez sérieux. Elle vous plaît ? Infiniment. Alors, vous l'épousez dès demain. Ah, que je suis heureux. Cette chère Eugénie. Non, pas Eugénie, si vous le voulez bien, Madeleine. Allons donc, cette petite fille insignifiante. Insignifiante ? Une enfant jolie comme un cœur, une ménagère de premier ordre, mais c'est là la femme idéale. Pas pour vous, à qui il faut une femme supérieure. Et Eugénie ? Oui, comme belle-sœur, je l'apprécie beaucoup, entre les repas. Prenez garde, c'est Lafont, votre rival, qui l'épousera à votre place. Je la lui cède, ma tante. J'aime mieux la cadette. Allons, vous manquez votre avenir, et vous ne passerez pas la Seine au Pont des Arts. Alors je la passerai à Poissy ou à Conflans, là où on pêche l'anguille, que ma femme m'accommodera la sauce tartare. 10 ans après, dans la cour de l'Institut, avant la séance, « Eh bien, mon cher collègue, la lutte sera chaude tout à l'heure entre Lafont et Louis Mornant, les deux beaux-frères candidats au même fauteuil. Oui, mérites égaux, je suis bien embarrassé. Madame Lafont, qui joint un temps de beauté une instruction si rare, m'a demandé de voter pour son mari, à moi aussi. Si je ne satisfais pas à son désir, je me brouille avec elle, et j'en serai navré. Pas plus que moi. Une femme d'une conversation si intéressante. Mais, d'un autre côté, si Mornant n'est pas nommé, sa femme nous supprimera son dîner de jeudi. Le dîner à l'anguille, comme on l'appelle, où nous avons tous deux notre couvert mis. Un dîner exquis. Ah, je suis bien perplexe, mon cher collègue. Moi également. Après la séance. Eh bien, Louis Mornant a été élu. Vous avez voté pour lui ? Oui, comme vous, mon cher collègue, tout bien pesé, je crois décidément que c'est lui qui a le plus de titres. C'était L'influence de la sauce tartare par Julien Bert de Turic.